Pour les amateurs de plein air estival, BR Metal vous offre des foyers extérieurs pour bien égayer votre été. 100% local, fabriqué en usine, venez rencontrer nos spécialistes pour bien vous conseiller. BR Metal, au 353 Gustave Dessureau, Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Le propriétaire, M. Robin Boulian, souhaite une bonne saison aux golfeurs et il est très heureux de commanditer la chronique de golf du club de Dolbeau-Mistassini. C'est la chronique du club de golf de Dolbeau-Mistassini avec Sébastien Marceau. Salut Sébastien. Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Sébastien, il y a eu beaucoup de monde. Je pense au tournoi d'ouverture qui a eu lieu en fin de semaine à Dolbeau-Mistassini. Il faisait beau, je pense, samedi, hein? C'est que t'as dit, Denis? Il faisait beau, je pense, si je ne m'abuse. C'est incroyable. Hein? C'était toute qu'une soirée. Ouais, une journée, une belle soirée. On était 80 personnes au tournoi d'ouverture. C'était très intéressant. OK. 80 joueurs? Oui, 80 joueurs. On a eu 80 joueurs. On a eu beaucoup de non-membres, beaucoup de membres aussi. On a eu une belle soirée qui était une belle soirée avec une soirée d'ensemble. On a eu un très bon repas. Fait qu'on a passé une belle soirée, tout le monde. OK, OK. Donc, ça a bien été. Puis, vous avez sorti des bons rabais, semble-t-il, pour inciter les gens à venir faire un tour au club de golf de Dolbeau, c'est ça? Oui, on a des beaux spéciaux qui rentrent en vigueur à partir d'aujourd'hui. On a fait un petit peu des rabais pour les gens. Là, on appelle ça le travailleur. Pour 9 trous après 15 heures, c'est 12,50 $ au lieu de 16 $. Okay. Le pressé qui joue 9 trous avec une voiturette pour 25 $. J'aime ça le mot le pressé, c'est drôle, hein? Oui, ben c'est à cause de la voiturette. Fait qu'on dit si t'es pressé, tu peux jouer une voiturette pour 25 $. OK, c'est bon ça, c'est bon. Après ça, le débutant. Ouais. Un débutant veut venir jouer, on a fait un panier de balles avec un 9 trous pour 16,50 $. OK. Après ça, on a fait un indécis. Si t'es pas indécis, tu sais pas si t'as le temps. Ben, pour 4 trous, tu peux jouer pour 6 $. Oui, monsieur, OK. 4 trous, 6 $, okay, c'est bon. C'est ça. C'est les prix qu'on a fait pour essayer de voir, pour voir si on allait voir un petit peu d'achalandage de plus au club de golf, parce que des rabais de même, ça peut intéresser des gens. OK, OK. Dis-moi, c'est la première fois que je vois ça, des rabais des 4 trous. C'est très agressif comme rabais. On essaie de tirer de monde, parce que 4 trous, c'est 1 heure. Au lieu de 9 trous, 2 heures. Fait qu'on dit 4 trous, peut-être que les gens vont avoir plus de temps de 4 trous. Ouais, ça a-tu donné quelque chose? Ça a-tu donné des résultats intéressants? Je peux pas vraiment te le dire. On le commence aujourd'hui. Des résultats, on va le voir dans les prochaines semaines. OK. Mais ça peut être quelqu'un qui veut juste jouer 4 trous, jouer, essayer le golf, c'est possible pour 4 trous. Ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Les prochains tournois maintenant? Les tournois à venir, on a le 18 juin, le tournoi senior. Okay. Tournoi senior, senior 50 et plus à Dolbeau. Okay. Après ça, on a le 20 juin, le tournoi de la Chambre des commerces. Ouais, OK, ça c'est bon aussi. Et jeudi. Après ça, le 22, le 23, c'est le Dolbeau-Saint-Prime. Quatre balles meilleures balles, le Dolbeau-Saint-Prime. On commence le 22 juin à Dolbeau. On finit le 23 à Saint-Prime. OK. Après ça, le 6 juillet, c'est le tournoi 2 balles avec Saint-Prime. On est conjoint avec Saint-Prime pour un 2 balles seulement à Dolbeau le samedi. OK. Donc, et puis, on finit avec le 7 juillet, le tournoi régional senior. Mais je dis senior, mais c'est plutôt 18 ans et plus. Là. Mais c'est pas le tournoi senior 50 ans et plus. C'est le tournoi senior, c'est le concours régional senior là, d'adultes. OK, OK. Donc, ça roule pas mal jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est pour le prochain mois. Est-ce qu'il est confirmé qu'il va y avoir un tournoi à bénéfice? Est-ce que c'est confirmé? C'est oui. C'est confirmé le 8 août. Okay. On avait notre Dave Lamontagne qui était à la recherche d'un président d'honneur et qui est en contrat aujourd'hui. Okay. J'ai pas de nouvelles, je vais en savoir plus au CA de lundi, mais on a un CA de ça lundi, ce que je vais pouvoir plus se confirmer ça la semaine prochaine. OK, donc c'est bon à suivre. Donc ça fait le tour pour cette semaine? Oui, ça fait le tour pour cette semaine, c'est ce qui s'est passé. On a aussi un junior Vincent Lemieux qui va à un tournoi en fin de semaine samedi dimanche. OK, oui, c'est OK. Il était classé, ça fait qu'il s'en va à un tournoi en fin de semaine il vient du club de Dolbeau qui est toute la fin de semaine en tournoi. On a lui qui est là. Puis on a eu la première clinique junior qui s'est passée lundi. On a eu au-dessus de 20 participants qui est venu à la clinique junior. Dis-moi, les omniums régionaux, est-ce qu'il y en avait cette semaine? Est-ce qu'il y a des gens de Dolbeau qui ont performé? Il y a dans la catégorie classe ouverte, 2B, il y a Jean-Guy qui a gagné sa classe. OK. C'est après bon ça. Ça dans le B, je pense que c'est Dominique Caouette qui a gagné sa classe. Ah, c'est bon aussi ça. Dominique Caouette, ouais. Est-ce qu'il y avait, tu savais s'il y avait beaucoup de joueurs? Il y avait juste 32 joueurs. C'était à Saguenay-Rouvida, il y avait juste 32 participants. Et crime que c'est pas gros. Non, c'est pas vraiment beaucoup. Ben, on se reparle la semaine prochaine, Sébastien. OK, merci. Sébastien Marceau du club de golf de la Boom Cessny.